Ein Drink de Uso. Salut, Niki. Come back, Ed. Come back to the cinema. Bon, que celui qui ne joue pas s'en aille. Crazy jumper. See you. Red is gone again. Nico asking for a faster drum. Thank you, Pod. Merci à Pod. He's getting us nice applause. Let's do something now. You are sleeping, people. Okay, this was Nico, Alex, Beagle. Hello, comment dire. Ok, you have. Theo on drumstick, Nico on the guitar, Alex on drum, babies just listening, Big Lone on the guitar, Paul Mac on harmonica, Nightchild on solo guitar, and Sharona on the voice. I need some music to get my last song. Bon alors messieurs, une dernière que je puisse chanter une dernière chanson, après je m'en vais. Oui, je sais, c'est vraiment très surprenant. Yes, allez, rappel. 1, 2, 3, 4. 4, say yes, come on, play. Allez. Alors, je vais vous chanter une chanson dégueulasse. Mais... Salut mon petit Pierre. Et ma guitare La digue c'est quand même waiting. Hey, what's that jam club?